Lord, you malkay mama ou pour m'tal parler pour vous parce que vous toi fréquent et même li déclaré m'si tel maradie yo van moi n'a marché sans seul bagay pour m'faire si l'elle tombe troisé c'est maître qui croit laisse à la respecter, la vie n'adorer, la pas genou d'un pied. Yo jour, li vin parat li di, bonjour chéri. Moi même, tellement saisi, m'oblige pas parler. Après, vite rencontrer, dit tomber embrasser, moi faire déclaration. Moi si tellement content, mal tombé non piquant, juste la ruelle piquant. Moi si tellement vexé, moi monté matissant, mal et la caille sans son. Tomber fait mauvais sang, tomber craché sang, vine confaler. Passé, ils ont fibré mais et puis ils se vrai. Ils comprennent nos flèches pour brésiller. Messieurs, pas dit que ma prière. Ils aiment moins connaître ça m'a passé. Sans fibré mais et puis ils se vrai. Ils comprennent nos flèches pour brésiller. se yo pa Anam chita ma fleuri Pata ma be fleuri Non pa besoin pale Jou menaj mwen mouri Mwen te nan lot peyi Men ma pe joui Yo telefone mwen Ce jour là, m'émotionné Les amis, quelle douleur Je dis à trouver nos malheurs Mes amis, quelle douleur Je dis à trouver nos malheurs Consoler, Président, mon copain, président, papier, mon copain, papier. Allez, qu'il est oui, mais je vais aller. Qui monte ma joie pour consoler. Président, mon copain, président, papier, mon copain, papier. Président, mon copain, président, papier, mon copain, papier. Allez, qu'il est oui, mais je vais mourir. Qui monte ma joie pour consoler. Président, mon copain, président, papier, mon copain.